43. Quadraginta 3. Je suis un très mauvais mécanicien. Pessimus sum faber mechanicus. Que fais-tu ici? Quidic agis? Qui t'arrive? Quid tibi accidit? La voiture ne veut plus avancer. Raida progredi non vult. Le moteur s'est tout à coup arrêté. Machinamentum subito constitit. Je ne sais pour quelle raison. Nescio qua de causa. Voulez-vous une cigarette, monsieur? Visne hispanicam, domne? Merci, j'ai déjà rempli ma pipe. Gratias tibi, fumariolum iam implevi. Avez-vous du feu? Avesne ignem? Ne fumez pas. Nolite fumum facere. S'écrie la dame au petit chien. Inquit domna cum cane parvulo. La fumée me dérange. Fumi me taedet. C'est la raison pour laquelle je t'ai demandé de l'aide. Aec est ratio, cur a te auxilium petierim. Il se hâte d'arriver. Pervenire properat. Il a hâte d'être appelé notre allié. Properat socius vocari. Je n'ai pas le temps. Mi otium deest. Il faut que tu viennes avec nous. Noviscum venia soportet. Il joue de la trompette. Is tuba canit. Moi, je peux taper sur un tambour. Ego timpanum pulsare possum. Ce qui m'importe beaucoup, c'est ce que je te vois. Illut mea magni interest te ut videm. Les fruits tombent des arbres. Poma ex arboribus decidunt. S'il tombe une averse. Si decidit imber. Rien de nouveau sous le soleil. Nil novi sub sole.